Hola, hola, on est de retour sur Radio Cayenne avec Ninkasi. Et du coup, après cette rubrique algorithme à la con et compagnie, pour rester un peu dans le sujet, j'avais envie de vous parler du dernier épisode de Black Mirror, disponible uniquement sur Netflix. Donc, pour la petite histoire, c'est un épisode interactif, en fait, où on peut influer... On couperait ça au montage, hein. Donc voilà, alors pour Black Mirror, en fait, pour vous présenter un peu le truc, c'est une série de science-fiction et d'anticipation qui, depuis environ 5-6 ans, interroge, au moyen d'une histoire originale par épisode, notre rapport à l'image et aux nouvelles technologies, aux médias et aux réseaux sociaux. Parfois d'ailleurs, avec une clairvoyance assez troublante, presque sous forme de prophétie autoréalisatrice. Ainsi, alors qu'un épisode décrivait une société dont les citoyens et citoyennes se notaient mutuellement la moindre de leurs interactions sociales, une note élevée leur donnant le droit à des privilèges sociaux, amicaux, immobiliers, etc., la Chine promet d'ici 2020 la notation de l'ensemble de ses habitants, habitantes, au moyen d'un système similaire, vendu par le propriétaire de Alibaba, multimillionnaire chinois équivalent de la plateforme Amazon en Chine. Une note élevée permettra l'achat de billets d'avion et de train en priorité à des classes plus élevées, l'accès à un parc immobilier qui leur sera réservé de plus haut standing, tandis qu'avoir dans ses amis, par exemple, sur les réseaux sociaux, des personnes tenant des propos contre le gouvernement, ou payer ses factures et son loyer en retard, peuvent entraîner une détérioration de cette note de bon citoyennisme, allant jusqu'à l'interdiction de se déplacer en dehors du territoire. Donc ce dernier épisode de Black Mirror, intitulé Bandersnatch, raconte l'histoire d'un jeune développeur qui se verra accorder par une boîte de jeux vidéo la création d'un jeu d'aventure à choix multiples, influant sur le développement, le déroulement de l'histoire. Et c'est assez drôle parce que c'est exactement ce que nous, spectateurs actifs, devrons faire pour guider le personnage principal dans l'intrigue. Donc ça commence tout bêtement par le simple choix entre deux marques de céréales différentes jusqu'à faut-il ou non tuer le personnage que l'on a en face de soi. Donc Netflix, en fait, sous couvert de proposer un mode de visionnage... soi-disant révolutionnaire de ces séries, en brisant un peu plus la frontière entre films et séries et jeux vidéo, au final, on peut un peu s'interroger sur leur intérêt à proposer ce genre de format. Par exemple, et là je vous le dis, il va y avoir des spoilers, au cours de cet épisode, le quatrième mur, en fait, et le quatrième mur, au final, c'est la frontière entre la fiction que l'on suit et le spectateur. Et ça arrive en fait quand le personnage principal de la fiction qu'on est en train de regarder s'adresse directement au spectateur. Et ce quatrième mur dans cet épisode Bandersnatch est régulièrement brisé, notamment quand le protagoniste, qui ayant des problèmes psy, se rend régulièrement chez sa thérapeute, dit avoir l'impression que beaucoup de ses faits et gestes sont contrôlés par une force supérieure qui lui est inconnue et a l'impression que beaucoup de ses décisions, de la plus insignifiante à la plus importante, sont de toute évidence contrôlées par une sorte de force supérieure. Et en fait, c'est nous. Et à un moment, se posant beaucoup de questions, le personnage principal interroge le téléspectateur en lui disant « S'il te plaît, montre-moi un signe, montre-toi. » Et à ce moment-là, en fait... On peut choisir de cliquer sur l'option Netflix, et à ce moment-là, sur l'écran de l'ordinateur du personnage, s'inscrit « Je te regarde depuis Netflix ». C'est une plateforme de divertissement qui existe au XXIe siècle, or je précise que l'action de l'histoire se déroule dans les années 80. Et voilà, en fait, c'est là qu'on voit un peu l'intérêt de Netflix en fait, à produire ce genre d'épisode, qui, au final, se fait de l'autopub, mais aussi conforte un peu le téléspectateur dans la toute-puissance qu'il a. Cette toute-puissance un peu fantasmée que le téléspectateur pourrait avoir dans le choix en fait de ce qu'il regarde, sachant que pour n'importe qui s'est déjà rendu sur une plateforme Netflix, se rend compte que tout lui est suggéré, mais qu'il est extrêmement difficile de faire des recherches en fait, soit par thème, soit par genre en fait, des films ou des séries qu'il souhaite regarder. Et on peut aussi s'interroger sur l'utilisation que Netflix va faire des récoltes de données, en fait, des choix que vont faire les spectateurs tout au long de l'histoire. Par exemple, le premier choix qui semble tout à fait anodin au cours de l'histoire, c'est de choisir quelle marque de céréales va manger le protagoniste. Alors, on choisit entre des Frosties et des Miel Pops ou un truc tout aussi idiot, mais moi, c'est un truc qui personnellement m'a fait un peu flipper, qui me dit que on pourrait aller en fait beaucoup plus loin. Que ce soit par exemple pour récolter des données par rapport aux préférences des spectateurs par rapport à telle ou telle marque de bouffe, telle ou telle marque d'immobilier ou d'électronique. On pourrait aussi récolter des données sur les différents choix moraux auxquels vont être confrontés les téléspectateurs. Et au final, cette espèce de mise en abîme dans la mise en abîme, en fait, ne peut servir que Netflix. Et excusez-moi, j'ai un petit peu du mal à, à enchaîner. Et c'est un épisode qui n'est pas mauvais, mais qui est assez troublant, dans le sens où autant qu'on a l'impression de regarder l'épisode et de faire des choix pour être à mi-chemin entre le visionnage et le jeu, on a tout autant l'impression que l'épisode et que Netflix nous regardent et nous observent. Ce qui amène à se questionner en fait sur tout ce que Netflix pourrait élaborer en fait en termes d'épisodes similaires et surtout bah les questions qu'ils pourraient nous poser par rapport à nos choix en fait. Que ce soit par rapport à des marques, par rapport à des choix moraux, ce qu'on ferait dans telle ou situation. Il y a des questions qui sont posées par rapport au fait de prendre de la drogue ou pas, de préférer se rendre chez son psy, c'est chez son psy, de préférer tuer son père ou de préférer se suicider, de préférer, spoiler, de préférer découper son père ou de juste l'enterrer. Enfin, voilà. Donc, du coup, je suis personnellement assez réservée sur cet épisode, même si je trouve le côté ludique assez sympa. Et il y a un truc comme assez chouette dans le fait de rejouer l'épisode plusieurs fois pour trouver toutes les fins différentes. Ça amène quand même, je trouve, à s'interroger sur l'utilisation possible de Netflix sur les données enregistrées sur les choix de ses spectateurs. Voilà. Snap.